tous les dimanches de 23h à minuit, Digital Fury avec Denin et Réo sur RPL Radio, en radio numérique. shaken. Sur RKL Radio en DAB+, ou sur le site de la radio, le www.rkl.radio. Shaken. RPL Radio. 23h minuit, Digital Fury avec Denis Nereo sur RPL Radio. RPL Radio. having fun. RPL Radio. Thank you. Hey, Curiosity Man! Denis Nereo sur RPL Radio en DAB+, ou sur le site de la radio, le www.rpl.radio. Jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.